Bonjour, c'est Lucie Inland. Après quelques mois de silence pour cause de confinement sanitaire, voici le dernier épisode, déjà, de cette première saison de Dangereuse Lectrice. J'ai rencontré l'artiste rennaise Julia McLean un vendredi matin chez elle. Nous avons parlé de livres d'artistes, de féminisme et de cheminement politique. Bonne écoute. Julia, bonjour. Est-ce que tu pourrais d'abord te présenter ton parcours, tes activités, qui es-tu, comment t'appelles-tu ? Alors, mon nom complet, c'est Julia Crinon. J'habite à Rennes depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et pour faire un peu large, je suis artiste. Je travaille en duo avec Hugo Marshall, un duo qui s'appelle McLean ou Atelier McLean, c'est selon. On travaille ensemble depuis début 2013 et on fait pas mal de choses différentes, ça va de la micro-édition à la sérigraphie ou tout type d'impression artisanale, mais aussi de la peinture, de l'installation. Voilà, c'est large, avec des médiums qui vont du dessin à la photo, à l'écriture. Voilà, on fait plein de choses. Oui, et puis en plus, c'est et pour de la commande et du travail personnel, ouais. Surtout que vous avez votre atelier chez vous qui permet quand même de faire pas mal de choses. Ouais. Et pourquoi McLean ? Est-ce qu'il y a un rapport avec Die Hard ? Tout à fait. J'en étais sûre. Il fallait trouver un nom et une période. C'était le moment où on avait décidé de se refaire à ce moment-là la trilogie et on s'est dit bon allez, vas-y. Ça sonne pas trop mal. Ça nous est marré à cette époque-là et c'est resté quoi. Bah ouais, puis vu que John McLean il peut tout faire. Tout en étant blasé, alors c'est parfait. Oui, il est constamment en gueule de bois. Donc tu te dis, si lui peut le faire, toi tu peux le faire. Et toi, tu as une pratique personnelle aussi, parce qu'il y a le travail en duo et le travail aussi de ton côté. Tu fais une petite différence aussi Bah, pas tant que ça, en fait. J'ai tendance quand même à privilégier le travail collectif, même dans des collectifs un peu plus larges. Je peux pas vraiment dire que j'ai de pratique solo et c'est pas quelque chose en fait qui m'intéresse tant que ça de travailler en solo. Je préfère vraiment le travail collectif, quoi. Un petit peu le tatouage ou quelques ouais, illus, mais de côté, c'est je vais pas appeler ça du loisir parce que je j'aime pas trop ce mot, mais c'est des médiums que j'expérimente à côté et qui sont pas forcément des médiums que Hugo va expérimenter, mais ça va pas faire il y a le chat qui joue à côté, ça va pas faire ça va pas être une grande part de mon travail, quoi. Ouais, c'est pour t'amuser, c'est un petit souffle. T'as fait les Beaux-Arts, toi, à Rennes ? J'ai fini les Beaux-Arts à Rennes. J'ai fini mes deux dernières années. J'étais dans une mention qui s'appelait Édition d'auteur, qui a disparu aujourd'hui, ce qui est bien dommage, parce que c'était vraiment une branche un peu entre deux, entre la com, entre l'art. Ça nous laissait vachement de liberté. Et on expérimentait donc le livre d'artiste et voilà, des profs sont partis à la retraite, ils n'ont pas été remplacés, classique, et la branche a disparu, quoi. C'est vraiment pas nombreux de toute façon et c'était pas valable. Ouais, c'est dommage. Donc du coup, tu connaissais ça avant de faire la mention aux Beaux-Arts, ou du coup c'est le fait d'avoir fait un cursus aux Beaux-Arts qui t'a fait connaître et apprécier ça et t'a donné envie d'en faire ? Je saurais pas vraiment dire qu'est-ce qui m'a poussée en premier lieu vers le médium livre. J'ai commencé à en faire assez presque, je vais pas dire naturellement parce que ça doit bien venir de quelque part, mais j'ai vraiment du mal à l'identifier parce que je trouvais que c'était un médium qui permettait d'expérimenter plein de choses et d'associer l'image, le texte. Et j'ai commencé un peu à en faire dans les premières parties de mes études, qui étaient quand j'étais à Orléans, qui était aussi une école de Beaux-Arts. Donc je suis arrivée à Rennes dans cette mention spécifique qui permettait vraiment de pousser un peu plus ce médium-là. Et il s'est avéré que en produisant du livre ou de l'affiche ou du poster, ça te dirige assez naturellement si tu as envie de diffuser ce travail-là en dehors de l'école et à faire des salons de micro-édition, des festivals plus DIY, et ça t'ouvre encore plus de champs, de portes, de de nouvelles, comment dire, ouais, nouvelles perspectives, tu découvres plein d'autres choses, et c'est vrai que ça te donne envie de pousser, d'expérimenter un peu plus, de tester d'autres formes, d'autres modes d'impression, d'autres techniques. Mais ouais, ça a été un peu l'école et le fait de commencer à faire des choses en dehors aussi, quoi. Et du coup, tu étais venue à Rennes pour cette mention-là spécifiquement? J'étais venue à Rennes pour rentrer aux Beaux-Arts. J'avais pas trop creusé et il s'est avéré justement qu'il y avait cette mention-là, donc ça tombait plutôt bien. D'accord, ok, ça. Un bon hasard. Et du coup, j'imagine que faire de l'édition, ça permet aussi de pouvoir diffuser plus facilement son travail sans attendre d'être publié par quelqu'un d'autre. Ouais. Ça permet de fabriquer des objets d'art à beaucoup moins cher que faire une édition papier glacé, relié, qui coûte 30 balles, que tu fais pas toi-même, quoi, au final. Ben ouais, ouais. D'une, tu sors des standards de l'édition traditionnelle, ce qui te permet en fait d'être vachement plus libre, de faire le nombre de pages ou le format que tu as envie, et de, surtout de mélanger les techniques, de mélanger les types d'impressions, de faire ce que tu veux avec le papier. C'est aussi, ouais, c'est un mélange entre un désir de liberté, de pas être soumis à des standards, et une envie d'autonomie aussi, quoi, parce que pour moi c'est vraiment ça l'édition, en tout cas l'auto-édition, c'est pour beaucoup, c'est l'autonomie et une liberté de création quasi totale, quoi. Et diffuser soi-même son travail, et un travail que tu as produit de A à Z, non seulement avec le fond, la forme, et que tu as produit matériellement, en fait ça te rend vachement plus conscient en fait de ce que tu produis, et plus concret en fait. Ouais, c'est des pratiques qui sont vachement moins hors sol que quand tu fais imprimer ton livre dans un pays de l'Est par je ne sais pas qui, ou que ton éditeur va t'imposer des normes et va revenir corriger en permanence ton travail, ou va t'imposer des choses que tu aurais aimé ne pas avoir à faire ou à produire ou à supprimer. Enfin, ouais, c'est l'autonomie et la liberté, c'est vraiment ça, quoi. T'en as produit un certain nombre ouais, dans le cadre de l'atelier MacLean. Vous avez fait des collaborations aussi avec des résidences ici. Ouais. Cette année, du coup. Non, du coup, pas cette année. Mais ouais, quand on a eu cet atelier, et que c'est un atelier qui doit faire ouais, 30-40 mètres carrés, donc t'as de la place. Nous, on avait commencé à accumuler certains matériels qui nous permettaient d'être assez autonomes dans l'impression, que ce soit en sérigraphie ou là, avec la RISO, etc. Et on s'est dit, ben, c'est absurde que ça profite juste à nous, en fait, et on a envie d'inviter des gens qu'on connaît plus ou moins, et de les inviter à venir travailler avec nous, vivre et travailler avec nous dans l'atelier, et ils font un peu ce qu'ils veulent, on est là pour eux, et à chaque fois on produisait donc une petite édition qui retraçait ces 10 jours de semaine de résidence à la maison, et ouais, ça permettait de garder une trace, de faire un petit fanzine abordable, et c'est aussi une forme d'archive en fait, quoi. Bah oui, c'est vrai que c'était bien, ça, pour les... vu que j'ai quelques soirées de restitution. Mm-mm. Où il y avait quelque chose qui était produit par l'artiste que vous avez en résidence, et effectivement le fanzine qui permettait de croiser, parce que c'est pas juste de la résidence en mode on prête les lieux, tu fais ton truc, et il n'y a pas de croisement entre le lieu et l'artiste qui vient. Vous avez ouais, encore toujours la cabane. La cabane de Thomas, ouais. Est-ce ouais, que vous allez bouger avec la cabane, ou la cabane... Non, on est obligé de la démonter. En même temps, elle est faite à moitié en bois de cagette, du coup, mais oui, ce serait difficile à bouger. Vous avez fait combien, ça, du coup, dans ce cadre-là? Des résidences, on ouais, a dû en faire 7 ou 8, un truc comme ça. La dernière était en novembre dernier, avec Grégory Lelay, qui est artiste et galeriste résident aux Açores. Et là, vu qu'on déménage bientôt, ben, ce sera le dernier, quoi. Et peut-être qu'on relancera la machine dans notre prochain logement, mais pour l'instant, on est sûr de rien, quoi. Oui, ouais, on n'y est pas encore rendu. Vous en aviez prévu en début d'année Non. Non, heureusement, on n'avait pas fait de projet. Du coup, ça a permis de pas se retrouver dans cette situation de devoir annuler l'avenue de quelqu'un. Ou faire une résidence mieux, de confinement, le truc qui dure 2 mois. J'ai vu que tu avais sorti des choses. Ouais, j'ai fait un peu de tri dans ma bibliothèque personnelle. Il y a du zine, il y a du livre d'artiste. J'ai pris tout ce qu'il y avait à prendre, même si des fois, ce n'est pas de l'auto-édition. Ah oui, alors moi, quand je disais livre d'artiste, c'était vraiment dans le sens très, très vaste, une édition autre. Ouais, du coup, là, c'est ce que j'ai sorti, c'est assez, assez varié. Et en fait, c'est aussi des références et des influences diverses qui permettent de te rendre compte de tout ce qui est possible de faire en termes de forme et de fond, quoi. Et aussi, au-delà de produire des images, de produire aussi une des réflexions, justement, que permettent le format livre, en fait. Là, je vois le Nous ou Nous Magazine, je ne sais jamais comment on prononce, mais c'est en gros une copine de Manchester qui produit un fanzine qui est un fanzine assez épais, imprimé en réseau, qui mêle, en fait, du texte théorique, du texte fictionnel, de la poésie et pas mal d'images, de photos et tout ça autour en fait des questionnements autour de la santé mentale, d'une pensée politique orientée vers l'empathie. Enfin, ça a l'air vachement bien. C'est un hyper bel objet, beau. En plus, c'est hyper beau. C'est assez intelligent. C'est bien mis en page et elle en a sorti plusieurs comme ça numéros autour de thématiques la frontière, l'incompréhension, panique. Donc ouais, ça c'est je trouve que c'est le genre de publication en fait que permet qui sortent en fait et qui sont des espèces de descendants de toutes les expérimentations qu'il y a pu avoir soit autour du fanzine politique ou du fanzine d'image, et ça produit des oui là c'est vraiment entre les deux des formes variées et Du coup, elle collabore avec plusieurs personnes et après, c'est elle qui maquette et qui imprime via le procédé de Rizzo. Continue toujours, c'est un magazine qui est toujours actif. Il faudrait que je regarde si elle a continué à sortir des numéros, mais je suis pas sûre. Très long, je regarderai. Mais elle fait partie d'un collectif plus grand qui s'appelle Partisans Collectifs à Manchester et qui est toujours très impliqué sur des questionnements politiques, queer, féministes. En fait, c'est des beaux projets quoi, qui, je pense, qui découle aussi de ce projet-là, de ce magazine-là, quoi. Qu'elle a monté toute seule pour le coup. Ouais, je crois qu'elle était principalement toute seule à produire ces zines-là, qui sont c'est du gros gros boulot, quoi. Bah, rien que le volume qu'il y a à l'intérieur, oui, je me représente pas tout. Ouais, parce que je crois qu'elle faisait vraiment beaucoup de d'exemplaires pour qu'ils soient vraiment diffusés à une large échelle, quoi. Ouais. C'est du gros taf, quoi. Et ça coûte combien, ça, à peu près, de tête? Je sais pas. Je les ai pas payés, mais... c'est là, tu vois, c'est 10 euros, quoi. Ah ouais? Non, en plus, c'est vraiment du zine, quoi. Du coup, c'est ça aussi l'avantage du zine, c'est que le but, c'est quand même que ce soit abordable et que... Ouais, et puis t'as pas les marges d'imprimeur... De quoi je pourrais te parler d'autre de ma collection? Ben, on va parler du local et des potes de Brest. Là, t'as Marion Bonjour, qui fait partie de l'atelier Téméraire et qui régulièrement, en fait, republie des textes théoriques. Là, en l'occurrence, c'est « Comprendre le patriarcat » de Bell Hooks. Elle le remet en page. Elle est plutôt graphiste à l'origine. Du coup, elle produit de la brochure plus, quoi, un peu plus qualite, quoi, que la brochure, même si j'ai rien contre la brochure A5 noir et blanc photocopiée bien basique. Les stands d'info kiosque à prix libre. Voilà. Bah, c'est intéressant quand la brochure est poussée et que tu as de l'ajout d'images, que tu as un travail sur la mise en page qui est fourni par des graphistes. Ça sert vraiment le texte théorique. Et pareil, ça, c'est des trucs qui sont diffusés à prix libre. Enfin, c'est vraiment de la diffusion pour diffuser de la théorie et pas pour se faire du blé. Ouais, mais ça, c'est comme le Nous Magazine avant. Vu ce que tu m'as dit, si ça coûte 10 euros par rapport à ce qu'il y a, le truc, c'est pas de se faire de la marge au-delà de ce que ça te coûte comme matos au final. De toute façon. C'est pas la démarche non plus aussi quand tu fais ce genre de choses. De toute façon, le livre d'artiste, à moins de se faire des marges importantes ou d'avoir un gros réseau de diffusion et de faire des salons en permanence, c'est pas vraiment quelque chose qui te fait manger de toute façon. Tu le fais un peu pour l'idée de la diffusion et pour plaisir de faire ces livres-là et et aussi de produire des objets qui sont accessibles plus facilement qu'une œuvre en galerie, mais c'est en fait l'argent que tu fais quand tu vends des livres, ça sert le plus souvent à produire le livre suivant, quoi. C'est vraiment une économie qui tourne comme ça, quoi. Oui, et toi, c'est aussi ce qui t'intéresse, de toute façon, pas forcément être dans une logique marchande. Sinon, tu aurais probablement fait d'autres choix en termes d'édition, de production, ouais, de diffusion. Et tu comptes rester dans cette démarche-là, de toute façon. Ouais. Même si, le fait est que, avec le temps, on se dirige vers d'autres médiums. Là, ces derniers temps, on fait pas mal, par exemple, de peinture sur tissu ou sur bâche. Mais le livre, ça reste toujours central dans ma pratique et dans la pratique que j'ai avec Hugo, parce que pour nous, c'est vraiment une des pratiques les plus riches, en fait, qui te permet le plus de choses, qui te permet aussi de dire beaucoup, beaucoup plus des fois qu'avec une simple peinture, qui te permet de bien souvent de garder une trace que tu n'auras pas une fois, par exemple, que ton expo est finie. Peut-être des fois de diffuser du texte plus facilement et des idées peut-être un peu plus politiques. Non, c'est pour nous, c'est essentiel et c'est central et c'est une pratique qu'on gardera de toute façon et le fait de tout faire de A à Z, d'être en fait complètement autonome et indépendant dans cette pratique-là et de ne pas dépendre justement de galeries, tu vois, ou de diffuseurs ou quoi que ce soit. C'est ce vers quoi on a toujours tendu et tu fais ce que tu peux après pour essayer de manger et ouais, faire rentrer de l'argent. Mais ça nous tient, quoi, vraiment. Il y a des formats plus grands. Il y a un cartonné au fond. Celui-là, là ? Oui. Alors, celui-là, j'ai sorti parce que c'est pour faire référence plutôt à des pontes de la micro-édition, qui est là plutôt la micro-édition graphique. C'est un gros fanzine sérigraphié de Caroline Suri qui a participé à la naissance du Dernier Cri à Marseille, qui est une maison d'édition qui produit que du zine, enfin du gravzine graphique, enfin gravzine graphique, ça se répète un peu, mais du zine d'images, de la BD et toujours dans un esprit un peu trash, subversif. Là, tu vois, c'est du fluo, quoi. Ils adorent imprimer en sérigraphie, en fluo, quoi. Mais oui, on dirait du coloriage fait à l'arrache. Enfin, c'est hyper propre, mais c'est ce choix de couleur. On dirait vraiment, t'as pris tes trucs au bureau et t'as mis plein de fluo partout. Je l'ai sorti parce que c'est vrai que Caroline Suri, c'est vraiment une figure importante de cette scène-là. Nous, c'est une scène dans laquelle on a vraiment commencé au début quand on faisait des festivals de micro-édition dans des milieux assez alternaux, quoi. Et c'est quand même très masculin, quoi. Quand on parle du Dernier Cri, on parle de Paquito Bolino, on parle pas de Caroline Suri, forcément. Même si, Paquito, il a donné sa chance, il a publié énormément d'auteurs, d'artistes et il a une place primordiale dans cette scène-là. Mais même si c'est des scènes dans lesquelles on évolue toujours, il y a toujours ces questionnements-là, surtout quand tu développes une pensée un peu féministe, de te dire on est encore dans des scènes où être subversif, c'est dessiner des bites, quoi, tu vois. C'était vraiment subversif plutôt dans les années 80-90 et à la limite, ces scènes-là ont évolué et à un moment donné, c'était ça, être vraiment politiquement incorrect ou tout ce que tu veux, mais c'est vrai qu'on est en 2020 et penser qu'être subversif, c'est encore dessiner des bites ou des meufs en train de se faire torturer, moi, ça me pose toujours question, quoi, tu vois. Enfin, pour moi, c'est de plus en plus dérangeant, plus j'évolue dans ma pensée un peu critique féministe. C'est des gens que je respecterai toujours pour ce qu'ils ont fait, mais ils sont quasiment inattaquables, tu vois. Et si toi, derrière, tu viens critiquer, c'est que t'es là pour faire chier et que t'es cul serré et que t'es politiquement correct. Puritanisme à l'américaine, blablabla. Voilà, et tu re-rentres dans ce genre de débat, et c'est des débats qui sont sans fin et qui sont chiants. Oui, mais en plus, tu les as partout, mais vraiment partout. C'est usant. Et eux, ils répètent constamment la même chose aussi. Tu dis, ce serait bien peut-être un moment de sortir d'autre chose. Ouais. Genre, on comprend, vous êtes des boomers, mais le problème, c'est qu'il y a plein de gens qui, derrière, ont mon âge et qui reproduisent ces esthétiques-là et qui se posent pas la question, en fait, quoi. Il n'y a aucune déconstruction de fait, il n'y a rien du tout, quoi. On est rebelles, on est punk, on dessine des bites. C'est comme ça, quoi. Et il n'y a pas de remise en question, jamais. Et si tu viens juste dire « Ouais, ça vous dérange pas, un minimum ?» Juste poser 2-3 questions, t'es chiante, en fait. T'es emmerdeuse, en fait. Pourquoi tu fais ça ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'aussi intéressant que de faire les mêmes trucs depuis 35 ans ouais. Où au final, il n'y a rien de trop à dire Enfin, il y a quand même toute une scène de meufs qui produisent de l'image ou du zine politique, ou même de la photo. Enfin, c'est assez vaste, quoi, et ça permet de... aussi d'avoir accès à d'autres choses. C'est ça, en fait, c'est des scènes alternatives qui permettent tout, en fait. Qui permettent tout, qui donnent accès à une parole et à une diffusion à plein de personnes qu'on n'avait pas forcément. Et la liberté de création fait aussi que tu fais ce que tu veux et que tu ne seras pas trop jugé pour ce que tu fais ni sur la forme. Mais voilà, mais c'est comme dans tous les milieux, comme dans les milieux militants, les gens qui pensent être, ne pas avoir à se remettre en question, et en fait, c'est bien ça le problème, quoi. Mais ce qui te permet quand même d'être à l'aise quand tu vas en salon, en expo, de savoir que tu ne seras pas la seule femme à exposer, non. Que tu n'auras pas que des hommes en face de toi. Font pas du mansplaining perpétuel de ton travail. Non, c'est bon, il y a les mêmes problèmes qu'ailleurs, c'est-à-dire que quand je tiens un stand avec Hugo, ça arrive que les gens pensent que c'est son travail et que je suis sa copine qui l'accompagne pour l'aider à tenir le stand. Mais c'est classique, malheureusement. C'est des milieux qui sont pas exemples de ce genre de stéréotypes ou de manière de penser, de clichés, de tout ce que tu veux. Parce que c'est pareil, vraiment partout, et même des gens qui se disent dans la contre-culture ou alternatif. Ouais. Niveau des constructions hétérosexistes, il y a encore du travail. Ouais, puis les gens pensent forcément, moi par exemple, que si c'est moi qui produis certes, enfin il y a des formes qui sont associées à du travail féminin ou masculin, et les gens vont pas forcément penser que je fais un travail très féminin, quoi, tu vois. Mais c'est pareil, c'est tout un tas de stéréotypes liés au genre qui sont inconscients, même pour la plupart des gens, je pense, tu vois. C'est même pas, c'est juste que voilà, il y a pas le travail de feu derrière et que c'est pas forcément évident pour tout le monde de le faire, mais des fois c'est un peu pesant, quoi. J'ai l'impression que quand t'es une femme, on va à tout prix chercher le trait féminin dans ce que tu fais. Ouais. Même si on le voit pas en premier lieu, on va vraiment chercher la petite bête jusqu'au bout pour dire, mais vous voyez, c'est la touche féminine. Ouais. Tout, mais on va forcément trouver quelque chose pour te ranger dans la case qui rassure, en fait, quoi. C'est ça, c'est le être rassuré et de pas trop sortir de, ouais, des sentiers. Sauf à la rigueur quand tu fais du zine plutôt orienté féministe, mais voilà, là, c'est y a un pas peu de problème. Rassurant en disant, ah, voilà, ça, on sait. Quoi. Mais après, ça leur pose d'autres problèmes sur d'autres trucs. Oui, là, c'est d'autres questionnements. Là, ils arrivent à te caser, c'est rassurant, et ils viennent te critiquer sur d'autres trucs éventuellement. Que t'as, il y a des choses plus ou moins récentes, ou il y a des choses, ça fait longtemps que tu les as, du coup, non, parce que t'as commencé à acquérir ce genre de, ce type d'ouvrage il y a longtemps. Depuis qu'on fait des salons de micro-édition, qu'on participe à des festivals plutôt liés soit à la micro-édition, soit plus largement à l'impression artisanale, ou aussi des festivals plus liés à des productions un peu politiques, tu finis par accumuler pas mal de choses, et il y a des trucs qui sont assez récents, et du vieux zine de brochures, vraiment de tout, quoi. Dans la pile, j'ai vu. Bah oui, et puis du coup, ça fait quelle année déjà, tu disais, que vous avez commencé avec Hugo? 2013. Ça a commencé à... Ouais, tu t'accumules. Vous avez fait pas mal de feux de festivals, ouais. Pas mal d'expos. Non, puis même pas mal de scènes différentes. Du coup, ça te permet aussi d'avoir accès à plein de productions qui sont ultra, ultra variées dans les scènes, dans les manières de faire, dans le fond et la forme. Ça te permet d'avoir une collection hyper riche et vaste. Et c'est en général en plus des lieux où tu découvres toujours, tu arrives toujours à découvrir des nouvelles choses et tu fais beaucoup d'échanges avec les autres. C'est assez spontané d'échanger des zines ou des sérigraphies, du coup c'est vrai que ça permet de se faire une belle collection, et même ça te permet même des fois de juste participer à ton éducation politique, en fait, parce que tu découvres toujours de nouvelles choses, ça te remet en question en permanence, ça te bouscule, c'est hyper enrichissant, quoi. Oui, ou même d'un point de vue technique, peut-être des choses auxquelles t'as pas forcément pensé, ou tu dis, ah, ça j'arrive pas à faire tel ou tel type de choses, et tu vois une personne qui arrive, c'est pas trop concurrentiel, du coup, s'il y a beaucoup cette côté troc, partage, découverte. Non, la plupart du temps, ouais, c'est assez. Il n'y a pas vraiment d'idée de concurrence ou quoi que ce soit. Je pense que ce truc-là commence à arriver quand tu es dans des salons qui touchent plus à l'institutionnel, vraiment à du livre d'artiste haut de gamme, produit par des galeries, dans des salons où tu payes ta table 800 euros, 1000 balles. Enfin, c'est encore d'autres scènes, encore d'autres pratiques. Et on en a fait quelques-uns. Quand on pouvait se payer la table, quand c'était à peu près accessible, mais c'est une autre ambiance. déjà, la plupart du temps, t'es moins bien reçu par les organisateurs. Tu te démerdes pour te loger, manger tout ce que tu veux. C'est vraiment... Donc, c'est stressant, déjà. Tu vas pas avec le même état. Oui, puis le fait de payer ton emplacement à un certain prix, t'es déjà dans la logique de « il faut le rentabiliser ». Ouais, donc t'es dans une logique marchande, le public est pas le même, enfin c'est hyper particulier, alors que la plupart des festivals de fanzines, de micro-édition, sauf exception, les orgas essayent quand même un minimum de te t'aider à te loger ou de te faire héberger. Des fois t'as un petit pécule pour rembourser ton trajet, les repas sont à prix libre. En général, c'est organisé par des gens qui savent, en fait, qui eux-mêmes produisent ce genre de publication, qui savent que c'est des économies hyper précaires et que tu vas pas forcément rembourser ton week-end, que si tu dois derrière te payer un Airbnb ou un truc comme ça, tu t'en sors pas la tête du trou. Puis à long terme, il y a personne qui viendrait dans ce genre de festival si c'est une charge vraiment pour tout le monde, ou alors c'est qu'une scène locale. Ouais. Mais si tu veux faire un... Ah, je suis en train de chercher le nom depuis tout à l'heure. C'était à Rome, là, que vous aviez fait un gros... Le crack, ah ouais. Oui, qui est comme un des gros trucs en micro-édition. Ouais, ça, c'est un festival qui existe depuis, je pense, 15-20 ans, quoi. Et c'est dans un ancien fort qui est aussi un squat. Et c'est gigantesque, en fait. Y a tellement de monde qu'ils peuvent pas forcément héberger tout le monde, mais c'est... Ouais, si t'avais que de la scène locale, en fait, ce serait dommage. Et tu pourrais pas, de toute façon, remplir le festival. Ce serait juste impossible. Et si le but, c'est quand même de faire venir au moins des gens des pays limitrophes et qu'il y ait un espèce de panel un peu large de ce qui peut se faire. Là, c'était vraiment des scènes liées vraiment au Gravesine et au Dernier Cri, donc bien punk. Et ça, c'était bien passé pour le coup. Ouais, c'était intense. Oui, on en avait déjà. C'était vraiment intense, mais on s'est demandé plusieurs fois si on allait y retourner. Un entraînement. Ça reste un coup de toute façon, parce qu'il faut quand même aller à Rome, quoi. Mais c'est aussi un coup énergétique, quoi. C'est à faire au moins une fois, si vous avez l'occasion. Si ça a lieu encore, je sais même pas. Ah, c'est en juin, donc là, à mon avis, c'est mort. Non, ils ont pris tellement cher, ils ont pris plus cher que nous, là, cette année, niveau coronavirus. J'ai hâte du jour où on aura pu à prononcer ce nom. Mais toi, t'es contente de l'avoir fait. Ouais, carrément. Ça fait partie des bonnes expériences et qui participe aussi à tout ce qu'on a pu faire et où t'as pu voir vraiment des scènes bien différentes. Enfin, quand tu fais un festival à Rome ou quand t'en fais un genre en Suisse ou en Angleterre, c'est pas les mêmes scènes. C'est tellement varié, il y a tellement de scènes différentes en fait que c'est toujours chouette d'aller voir, au moins d'essayer une fois, quoi. Bah ouais. Du coup, c'est quoi en gros t'as ou tes meilleures expériences? On parlera pas des pires expériences, c'est pas gentil de balancer des noms, mais... Et pourtant, j'en ai en tête. Les meilleures expériences, bah, en édition en général, genre, qu'est-ce que t'as vraiment été contente de produire, de diffuser, d'exposer, les meilleures rencontres? Bah, y en a pour lesquelles on n'est pas trop objectif, c'est-à-dire le Zinefest de Bordeaux, qui est organisé par Disparate, qui ont une librairie de fanzines à Bordeaux et qui organise le Zinefest tous les ans. Bah, c'est des copains, donc voilà, je ne serais pas objective. Et que je fais la cantine aussi, donc... Ouais, mais ce n'est pas des copains pour rien non plus, quoi. Donc bon. Et non, c'est vraiment un bon festival parce que ça fait partie des festivals où tu es vraiment super bien accueilli en tant qu'exposant. Tu manges bien. Parce que c'est moi qui cuisine. Mais c'est chill, quoi. C'est vraiment chill. T'es à Bordeaux, il fait beau, c'est l'été. Et t'as des soirées tous les soirs. Il y a aussi, une organisation qui fait que le festival commence avant le salon, qui est juste le week-end. Tous les participants, les exposants, arrivent un peu avant. Du coup, t'as le temps de passer des soirées avec eux, de discuter, de te rencontrer. Pour après, une fois arrivé au salon, tu fais ton tour et tu fais « Ah ouais, ok, donc maintenant je vois ce que tu fais. C'est bien de pouvoir le voir physiquement. » On en a parlé hier. Voilà. Ouais, c'est la partie pro et la partie publique. Ouais. Ça te permet de pouvoir en profiter aussi. Pas juste être derrière ton stand et t'as pas le temps de voir ce qui se fait aussi. C'est cool, ça. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et un autre chouchou, c'est vraiment le Monstre Festival à Genève qui a lieu à l'usine, qui est un gros lieu, on peut plus vraiment dire autogéré maintenant, mais quasi, quoi. Et maintenant, c'est tous les deux ans. Alors normalement, ça devrait être cette année, la nouvelle édition. En général, ça se passe en novembre. On verra. Oui, non, je sais pas ce qui... Mais cette année est très incertaine, le futur n'existe plus, c'est fini. Non, c'est vraiment un festival de fou, quoi, parce que ça se passe, ils prennent possession de toute l'usine. C'est-à-dire que c'est du rez-de-chaussée jusque dans tous les étages. Ils prennent possession du théâtre, du cinéma, des deux salles de concert, de tout en fait. T'as un salon de micro-édition, mais t'as aussi des expos, des projections. T'as quasiment la partie musique qui est aussi importante que la partie graphique ou éditoriale. Et donc t'as des concerts tous les soirs, tu peux pas tout voir parce qu'ils sont à moitié en même temps. Et c'est la grosse scène alternative, sens large de la musique. C'est intense, c'est pas le même type d'intensité que celui qu'on a fait à Rome, mais ça c'est vraiment un de nos festivals préférés où on se dit tout le temps on va laisser notre place, mais on y retourne toujours parce qu'on a trop envie d'y retourner, et même si on n'était pas invité, je pense que j'aurais même envie d'y aller en tant que visiteur, parce que ouais, il y a tellement de choses à voir, à faire, et en même temps, ça reste dans une dynamique hyper alternative, DIY, et très accueillante, et quand même politisée, et ouais, c'est un bon mix de tout ce que tu peux apprécier dans ces scènes-là, quoi. Vous êtes allé combien de fois, du coup ? Je sais pas. Beaucoup de fois. Ouais, je sais pas, 4-5 fois, un truc comme ça. Ouais. Ouais, donc c'est bien, quoi. Ça, ouais. C'est, parce que c'est là aussi, il y a un petit peu de route à faire, faut que ça vaille vraiment le coup, quoi. Ouais, ouais. Alors, Genève, gars est cool, enfin bon, ils sont... C'est vraiment un très très bon festival. Du coup, tes projets à venir ? Le déménagement. Déménager, les cartons. Et après, tu sais que tu vas t'y remettre après un peu, peut-être retrouver tes marques, peut-être avoir d'autres réseaux qui vont se faire. Ouais, après voilà, tout est très incertain. On a une expo de prévu à Bâle en Suisse en octobre, qui devait être en juin, mais bon, repoussé, tout ça, tout ça. On part en Croatie en septembre, pareil, doigts croisés. Et là, pour un festival plus lié à l'illustration au sens large, où on est invité à faire une expo, il n'y a pas vraiment de salon. C'était en projet, mais je crois qu'il n'y a pas vraiment de salon. Le fond du festival se fait autour d'une invitation à remplir un carnet, tu sais, les carnets japonais, là, qui sont un peu en leporello, en accordéon. Et c'est une expo de tous ces leporello illustrés. Et t'as d'autres expos à côté, et des événements, et des rencontres, et des confs, je pense. C'est à Dubrovnik, du coup ? À Zagreb. Ça s'appelle 36 Mountain, parce que les carnets font 36 petites montagnes comme ça. Et voilà, ça, c'est les projets à venir. Et, bah, c'est déjà bien, quand même. Il y aura peut-être des salons, mais bon, ça, pareil. En fonction de qu'est-ce qui pourra se tenir. Ouais, non, mais je trouve ça déjà ambitieux, vu l'amorce de 2020, d'avoir prévu un déménagement, un voyage. Bravo. Ah oui, il y a ça aussi, c'est vu que le Zinefest Disparate n'aura pas lieu cette année, puisque c'était début juillet, l'argent qu'ils réservent pour le festival, ils ont décidé de ne pas le garder pour eux et de l'utiliser pour faire produire par 7, parce que ça devait être la 7e édition, 7 teams dans 7 villes différentes des éditions, des livres autour de... des livres qui parlent de micro-édition sens large. Donc nous, on est une des 7 équipes et on a invité 3 personnes en plus à bosser avec nous dessus. Et c'est un truc qu'on devrait finir de produire là, incessamment sous peu. Et un gros projet d'édition collective qui va bientôt se terminer et qui devrait être bien protéiforme, mais assez beau, quoi, je pense. Bah ouais, puis malgré les circonstances, c'est quand même bien de pas faire genre « Oh, on annule, tant pis, on verra l'année prochaine », quoi. Bah ouais, c'est un chouette projet. Il y a des teams très très différentes. Du coup, ça va faire une collection très variée, je pense. Sachant que chaque team invite d'autres personnes. Du coup, je pense que ça va produire une collection assez belle et assez large, quoi. Nous, on a invité donc Marion Bonjour et Bonjour Grisaille de Brest et Matt Processor qui est à Marseille en ce moment. Donc voilà, c'était étrange de produire un livre à distance, mais à base de drive et compagnie, mais l'édition confinée. Ouais, ça parlera pas de confinement, je te rassure. c'est plutôt cool. C'est vrai que c'est une question quand même que je m'étais pas mal posée pendant le confinement, ne serait-ce que parce que on était quand même censé se rencontrer en mars. Et je m'étais dit, ah, quand même, je pense qu'il y a des gens, on se retrouvera un peu le bec dans l'eau. Toi, je savais que peut-être moins de difficultés que d'autres, mais je me suis dit, cette année, quand même, pour la création, c'est peut-être un peu compliqué. Si on passe les futurs Goncourt à la con sur le confinement ou le film de Danny Boone sur le confinement. Ça risque d'être compliqué dans tous les cas. Hein. Ça, c'est évident que là, on a des projets, mais c'est des projets qui sont hyper hypothétiques, que ce n'est pas des projets qui sont vraiment rémunérateurs et que l'incertitude fait aussi que tu ne sais pas comment les galeries vont réouvrir. Est-ce que nous, on fonctionne aussi pas mal, notre économie, elle fonctionne pas mal aussi sur des workshops ou des résidences, et ça, c'est compliqué. Du coup, ouais, c'est un peu flou, quoi. Le futur sera un peu flou. Oui, après ça durera pas toute la vie, mais ouais, c'est vrai que espérer. Pour cette année, c'est un peu. On va voir quand la deuxième compliqué. Vague arrive. Pensez tout à l'heure, la discussion a poursuivi son cours, mais du coup, le livre d'artiste, pour toi, c'est quand même la bonne jonction entre l'art et le politique. Ça permet vraiment pouvoir croiser les deux en ayant un support papier qui se diffuse, où tu ne diffuses pas juste un objet plastique parce que c'est beau et c'est illustré. Ça te permet toi aussi de pouvoir faire diffuser des idées. Pour toi, c'est l'intérêt principal de genre de... Je pense que j'y suis pas arrivée de manière... Enfin, ça n'avait pas été tout de suite le cas, parce que quand j'avais de l'écrit au début dans mes éditions, c'était plus soit de la fiction, même si je continue à faire des écrits, enfin, à produire des écrits un peu fictionnels, mais c'était plus... je travaillais pas mal sur des idées de somatisation, de... Je sais pas trop comment expliquer. Bref. La culture de l'anxiété. Ouais, c'est un peu ça en fait. Ouais, c'est un peu ça. C'était un peu une manière de vider le sac et de. Enfin, tu mets les choses là où tu peux et là en l'occurrence c'était un bon outil pour moi. Et l'idée, enfin la politisation de l'objet s'est fait au fur et à mesure des rencontres, au fur et à mesure aussi de ta déconstruction personnelle, de tes lectures. Enfin. Bah oui, parce que tout le monde ne n'est pas féministe, voire même personne, et tu peux mettre ouais. des années à percuter. Ouais, et c'est pas parce que t'es pas féministe à 30 ans que tu le seras jamais. Et que, à 30 ans, c'est encore jeune, hein. Non, voilà, chacun a son parcours, si t'arrives à te politiser à un moment donné ou à un autre, bah en fait, tant mieux, et c'est jamais fini, en fait, quoi. C'est toujours à déconstruire, c'est toujours à refaire, et bah ouais, le livre, c'est pour moi un bon outil, en fait. C'est au-delà d'un espace de liberté, c'est aussi un outil, quoi. C'est un outil pour diffuser des idées, un outil pour les diffuser de manière assez simple, en fait, que les idées soient accessibles, et aussi les coupler avec de l'image, de la photo, pour agrémenter aussi ces propos-là, les enrichir, que les propos s'enrichissent mutuellement. Et ouais, je pense maintenant on aurait du mal à produire des choses qui soient pas un minimum politique, en fait, même si à certaines personnes ça peut paraître pas très politique, j'imagine. On garde toujours une certaine forme de poésie dans ce qu'on produit, quoi. Mais non, enfin actuellement, enfin je pense que si tu veux être un minimum connecté à la réalité, moi j'aurais du mal en fait à pu produire ce genre de réflexion quand je fais du livre, parce que bah, si t'as l'occasion en fait de pouvoir diffuser une idée ou un propos, autant que ça, ouais. ça serve à la révolution en fait. Et pas juste faire des dessins qui sont jolis et des trucs pour agrémenter un salon l'art. Moi je trouve ça hypocrite quand même, l'art pour l'art, ça se tient pas. Enfin, si tu produis un truc, c'est que t'as forcément quelque chose à dire. Ouais, c'est pas le cas pour tout le monde. Ouais, non, mais ça n'engage vraiment que moi. Mais c'est bien ça le problème, mais oui, moi aussi. Plus j'ai réfléchi, quand ça fait un certain nombre d'années que je fais des trucs, j'ai vraiment de plus en plus de mal à y croire en disant, tu peux pas te permettre de t'exprimer, quel que soit le média, à faire dire, ah non, c'est pour passer le temps, parce que c'est joli, et puis ça s'arrête là. Ouais, je trouve ça hyper problématique aussi, ça me pose vachement de questions. Souvent, la réponse que je trouve, c'est que si tu produis de l'art pour l'art, sans ne serait-ce qu'une once de réflexion politique, même pas radicale, enfin juste un peu de réflexion sur le monde qui t'entoure, c'est que t'es privilégié et que t'as le luxe de pas te poser ces questions-là, en fait, quoi. Tout simplement. Bah oui, parce que tu pars du principe que t'es pas obligé de t'engager en disant « je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire ». Ouais, t'es dans un stéréotype de l'artiste qui produit pour produire. Et en même temps, les formations type école de Beaux-Arts te forcent pas trop non plus, te poussent pas trop non plus vers ce genre de chemin-là, en fait. T'es quand même très centré autour de ton nombril et de ton processus créatif. Et plaire à ton prof qui t'évaluera. Et ouais. C'est pas les Beaux-Arts qui t'ont radicalisé, quoi. Non, pas vraiment. Ça risque pas d'arriver. Non, ça risque pas, non. tu peux avoir un propos critique, mais il ne faut pas que ça devienne militant, en fait, c'est ça. C'est vraiment ça. Voilà. Si ça devient militant, c'est plus de l'art, quoi. Ah ouais, mais alors, la frontière entre critique et militant, c'est complètement subjectif, en plus. Ah, c'est super subjectif, c'est hypocrite, et c'est, tu peux t'engager, mais pas trop non plus, quoi. C'est, genre, il faut que tu trouves un espèce d'équilibre pour quand même pas faire peur à ton futur collectionneur ou aux institutions avec lesquelles tu vas travailler, parce que... Ouais, ou alors, il faut que ce soit tellement référencé qu'au final, tu te mouilles plus trop, quoi. En disant, ouais, j'ai fait un truc féministe. Complètement inaccessible, mais, personne ouais. ne comprend. Ouais, ou alors c'est pas intéressant parce que tu ressors des trucs qui ont été faits dans les années 70-80, tu te ouais. mouilles pas quoi. Ouais, ouais. Non, c'est vraiment des questionnements et des problématiques qui sont hyper présentes. Et tu vois, genre, même quand tu viens juste dire à quelqu'un que ce qu'il fait c'est problématique parce que, admettons, c'est de la réappropriation culturelle, on va dire que tu crées à la censure ou au politiquement correct ou tout ce que tu veux. Et c'est chiant. Et la liberté de création, oui. Enfin, moi, je ne suis pas pro-censure. Je suis juste pour pouvoir, en fait, exprimer des critiques et que peut-être ça permette aux gens de se remettre un peu en question, quoi, en fait, de dire « Ah ouais, peut-être que là, j'ai fait une connerie, en fait. Je ne m'en suis pas rendu compte et merci de me l'avoir dit. » Ouais, mais il y a plein de gens, ils ne sont pas encore rendus à ce stade-là et tu as juste l'impression d'avoir affaire à un bébé à qui on a enlevé sa totote. Et ouais. qui se met à pleurer, quoi. Genre, mais j'ai envie de le faire. Genre, Pourquoi j'ai pas le droit de le faire ? Ouais, voilà, mais non, c'est juste que c'est nul. Mais t'as le droit de faire des trucs nuls dans l'absolu, mais on a le droit de te dire que c'est nul. Et il y a encore plein d'artistes Voir qui, ça fout qui mal à veulent l'aise. Juste faire de l'art pour de l'art. Et ils se posent pas de questions sur le monde qui les entoure. Ben, ils ont bien de la chance, en fait, d'avoir ce luxe-là, quoi. Tu vois, c'est... Ouais, moi, je peux pas envisager ça, quoi. Ça me dépasse un peu. Mais... Moi, je suis à la fois pour chercher de l'utilité à tout, genre l'utilité sociale de l'artiste. T'es pas obligé d'être utile non. pour avoir le droit d'exister, mais vraiment servir d'espèce de plante verte pour galeriste. Ouais, et puis je sais pas, si t'as un être un minimum sensible et que t'es pas déconnecté du monde réel, ben, je sais pas, t'es forcément touché à un moment donné ou à un autre, même si t'es dans des positions privilégiées. Rien que le fait, par exemple, d'être une femme, ça devrait pouvoir te poser des questions. Je dis pas que toutes les artistes femmes doivent produire un art féministe, tu vois, mais tu peux trouver forcément quelque chose qui te touche, ou sinon c'est que vraiment tu vis déconnecté du monde réel et que tu flottes avec ta petite bulle créative et le monde extérieur te touche pas, en fait. Et ouais, moi, en fait, juste c'est des trucs que je comprends pas, quoi. C'est des discussions que tu peux pas avoir avec ces personnes-là, vu qu'elles ont pas conscience, Non, puis ça les met dans une position aussi où il faudrait que d'une, elles se remettent en question, est-ce qu'elles ont pas forcément envie, et qu'elles changent, en fait. Et le changement, bah, ça fait peur à énormément de monde, le fait de juste de dire oui, j'ai, à un moment donné, j'ai fait ça, j'ai eu tort, en fait. Genre, enfin, ou juste oui, je faisais ça à une période, mais c'est fini maintenant. J'ai évolué, en fait, quoi. Et t'as le droit à l'erreur, en fait. T'as le droit d'avoir pas forcément été très conscient à une période et de juste d'évoluer, mais juste d'être enfermé, d'être assuré de ce que tu fais et de pas avoir envie d'évoluer et de juste de produire des choses pour produire des choses qui viennent juste inonder le marché de l'art sens large et produire de la forme pour de la forme, c'est... Ouais, puis être persuadé de sortir des idées pures, sorties de l'esprit d'un génie, qui sont complètement déconnectées du monde dans lequel tu vis. Ouais, puis alors que pas du tout. Je veux dire, juste, bah, c'est la merde, en fait. Alors, ce serait bien que tu te réveilles un petit peu, quoi. Genre, juste, je te demande pas d'aller balancer des cocktails Molotov sur les flics. Je te demande juste de te réveiller un tout petit peu et d'ouvrir les yeux sur le monde extérieur et de te rendre compte à quel point c'est la merde, quoi. Enfin, et c'est peut-être pas la merde pour toi en ce moment. Et tant mieux, en fait. Enfin, très bien. Mais il y a un moment donné où il faut juste être un peu empathique, quoi. C'est ce que je répète en permanence, c'est que le problème, c'est l'empathie, quoi. C'est les gens qui n'ont pas d'empathie pour leur semblable, en fait. Bah ouais. Toujours aussi la question que je me pose en disant, c'est des gens qui ont à perdre, à commencer par, ouais, leur place dans le marché de l'art, en fait, plaire pour plaire, prend pas de risque. Et puis c'est des gens qui ont construit toute leur carrière, parce que je pense que là on peut appeler ça une carrière, sur de l'institutionnel. Bah, y a quand même peu d'institutions de l'art sens large qui prennent des risques, en fait, et qui n'ont pas envie de prendre des risques. J'ai travaillé avec de l'argent public et il n'y a pas de souci, mais j'essaie quand même de faire un minimum, tu vois, pour produire quelque chose qui ne soit pas vide de sens, même quand je travaille avec de l'argent public. Mais il y a beaucoup d'institutions donc, qui ne prennent pas de risques, qui n'ont pas envie. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la plupart des artistes qui bossent pour eux ben, produisent en espèce d'art officiel et que ça fait des gens qui sont des espèces de fonctionnaires de l'art et qui produisent des formes qui ne sont pas dérangeantes, en fait. Et il y en a beaucoup, quoi. Après, tu vois que ça commence un peu à bouger, que tu as des gens qui ont travaillé toute leur vie, peut-être les 10 dernières années avec de l'institutionnel et qui commencent à se politiser de manière même assez radicale des fois et qui se confrontent à des petites... Tu vois que ça dérange quand même un peu. Ouais, ça frictionne un peu, quoi. Ouais. Mais tu te dis, au moins, voilà, ça bouge un peu. Il y a des gens qui commencent à se réveiller, à essayer de glisser des choses au fur et à mesure, à produire des formes ou des rencontres avec les gens qui soient un peu plus ouvertes, un peu plus investies, un peu plus politiques. C'est appréciable, quoi. T'as un nom en tête ? Je pense à Johanna Rocard, quoi, par exemple, qui, pour moi, j'ai vraiment l'impression que plus ça va, plus elle est radicale. Et... Vous avez fait quelque chose pour le 8 mars. Ouais. À l'époque, on pouvait faire des choses en public. C'était juste avant, en fait. C'était juste avant le confinement. On a produit pas mal d'affiches pour le 8 mars. Il devait y avoir aussi un dance floor féministe pendant la marche, mais on a eu des petits soucis techniques. Ça s'est pas fait, mais Johanna et Amandine qui le gèrent ont plein d'autres opportunités de le reproduire la démarche, quoi. Donc ça, ouais. c'est cool. Mais non, on a produit pas mal de formes et du costume. Et voilà, c'était un 8 mars assez festif et c'était une belle journée. Tout en étant très engagé, comme quoi l'un ne pose pas l'autre. Oui, t'es pas obligé d'avoir un engagement stéréotypé, froid, ouais. et syndical et tout ce que tu veux. Tu vois, tu peux produire une démarche politique tout en étant dans un postulat très festif et positif. Vous avez fait des positif, costumes, quoi. Vous avez fait de la chorégraphie. On a fait des cagoules, des cagoules à paillettes, je veux dire. C'est un magnifique. Très beau costume de révolution. Ouais, voilà. J'aurais vraiment aimé voir ça. Ouais, c'était chouette. On aimerait bien faire justement un zine avec toutes les photos qui ont été prises, des discussions qui ont été faites, qui ont été produites au fur et à mesure. On a eu beaucoup d'échanges, on était vraiment un groupe de je sais pas, 10-15 meufs comme ça à discuter, et plutôt liés voilà, au milieu artistique, culturel, des gens très avancés comme des étudiantes aux Beaux-Arts. Et ouais, c'était un bel échange et ça a produit des choses assez belles et qui nous ont donné envie aussi de peut-être produire la chose, continuer. Et le fanzine est toujours dans un petit coin de notre tête et on verra si on arrive à le produire à un moment donné. Quoi. Ça peut toujours sortir peut-être pour le 8 mars prochain. Ouais. Donc elle, tu disais, elle n'a pas commencé tout de suite avec quelque chose de très très politique et c'est une personne qui s'est politisée au fur et à mesure de son travail. Je dirais pas que c'était pas politique dès le début parce qu'elle a tout de suite été à l'origine d'associations comme la collective et tout, donc il y a toujours eu une réflexion quand même un peu politique, mais j'ai l'impression que son travail personnel en tout cas est de plus en plus radical, quoi, de plus en plus féministe, écologique, enfin vraiment même quand elle fait des ateliers ou qu'elle produit des formes pour elle ou tout, à chaque fois qu'elle fait des performances, pour moi c'est vraiment de plus en plus politique, quoi, et je trouve ça hyper appréciable, je m'y retrouve vachement, que ce soit dans ce qui est produit, même juste purement formellement ou dans les références. En ce moment, elle est à fond sur Donna Haraway, par exemple. Tu vois, enfin, bon, elle a un superbe travail, je trouve, et c'est quelqu'un qui travaille vachement avec les institutions, donc je trouve que c'est un bon exemple. Et le fait d'avoir un travail plus radical l'a pas coupé des institutions. Pas pour l'instant, en tout cas. Mais j'ai hésité à mettre le encore, pas encore. C'est bien, tu lui souhaites pas. Non, je lui souhaite pas, et je préférerais que ça se fasse dans ce sens-là, même si je suis pas. Pas optimiste. Je dirais pas que je suis pas optimiste. Je suis pas forcément pour être dans un travail qui repose seulement sur l'institution, et c'est pas son cas de toute façon, mais je pense qu'il faut être toujours un peu à naviguer entre plusieurs choses. Mais si ça peut, au fur et à mesure, essayer de s'insinuer dans les brèches, tu vois, et d'avoir de plus en plus d'exemples comme ça, et que les gens qui produisent des choses plus formelles et moins engagées politiquement, je leur demande pas de disparaître. Il n'y a pas de souci, mais genre que ça va juste leur permettre de se poser un peu de questions, j'en sais rien, tu vois. On n'est pas à l'abri que certaines personnes, tout d'un coup, se trouvent une conscience politique, et je leur souhaite, en fait. Je suis très pessimiste en même temps, mais vu que les choses n'ont pas l'air de vraiment s'améliorer globalement, je me dis que ça forcera peut-être des gens à se poser des questions à un moment donné. Tu veux dire quand on sera au pied du mur, vraiment ? On commence à voir le mur de très près quand même, pour un certain nombre de choses. Donc, ouais. Et en même temps, c'est aussi un bon indicateur de voir qu'une artiste ouvertement féministe arrive à avoir des commandes publiques. Ouais. Sans que ce soit non plus la récupération féministe. Après, c'est sur la question de savoir est-ce que c'est du féministe washing ou pas, mais ça veut dire qu'il y a certaines municipalités municipalités qui ont évolué et qui considèrent que c'est un discours qui est entendable et qui est transmissible. Genre, ça travaille avec des jeunes publics ou des choses comme ça. Ça peut être site bien. Ouais, dans tous les cas, peut-être qu'il y a de la récupération, j'en sais rien, mais bon, c'est de toute façon nécessaire et d'une certaine manière très positif, quoi, de se dire qu'au moins ces idées-là sont diffusées de manière plus large. Et c'est le cas, tu vois, même dans l'édition et tout, on voit bien que c'est des idées qui se diffusent de plus en plus, et tant mieux, en fait. La fameuse question de l'argent, de l'économie de l'art. Ouais. C'est vraiment un choix que tu as fait, de toute façon, d'avoir une carrière d'artiste. Au RSA. Ouais, avec ce que ça implique de sacrifices financiers. C'est de la bidouille. C'est vivre certains mois avec le RSA, certains mois avec d'autres, parce que tu as eu des plans plutôt cool. Et on essaie toujours d'accepter, si on accepte des workshops ou des ateliers, on ne prend pas tout, quoi. On ne veut pas juste faire de l'alimentaire. On aurait du mal à s'y retrouver, quoi. Du coup, pour l'instant, on arrive à peu près à s'y retrouver. Mais voilà, on n'est pas des gens très dépensiers. Je ne me suis pas acheté le dernier iPhone, tu vois. Non, ça fait beaucoup en RSA. De toute façon, quand tu vis dans des économies précaires comme ça, tu apprends à vivre avec pas beaucoup d'argent. Oui, puis que ce soit Rennes ou votre déménagement, n'en parlons pas. Il y a des lieux de résidence qui font que c'est plus facile que, par exemple, si tu vivais à Paris, quoi. Ah, ce serait impossible. Et même, je me dis, pour avoir des ateliers, en fait, tout simplement. Genre, pour avoir un espèce de luxe, presque, d'avoir de l'espace pour travailler. Et ça, c'est quand même un peu primordial si tu veux être un peu à l'aise. Ah bah oui, vu ce que tu fais, oui. Si tu ne vis pas dans un 20 mètres carrés, quoi. C'est pas possible. Et tu mets Paris, luxe et espace dans la même phrase. C'est compliqué. Je pourrais pas. Enfin, je sais pas. C'est pour ça qu'on part de la ville. C'est pas juste qu'on a plus envie de vivre en ville. C'est que bientôt, Rennes, ce sera juste plus accessible pour des gens précaires comme nous. C'est déjà plus accessible. Il faut pas lâcher ton appart, en fait, pour le moment. Ouais. Puis nos profils, c'est pas possible, quoi. En fait. Bah, nos têtes, ils nous louent pas, quoi. Et encore, on est blanche. Voilà. Mais bon. Oui, ça va. On s'en sort pas trop mal. Mais c'est non. Ouais, mais si nous, on commence à flipper, c'est que c'est vraiment pas bon, quoi. Ouais, c'est la merde, quoi. Ouais, mais c'est un choix que tu as fait, que tu regrettes pas. Parce que tu as une formation d'édition, tu pourrais aller travailler en maison d'édition traditionnelle et pas du tout d'embarquer dans la voie du DIY, de l'alternatif et du précariat, quoi. Ouais, arriver. J'ai pas trop envie d'avoir un patron et j'ai pas trop envie d'avoir un boulot alimentaire. J'ai été caissière dans ma vie, donc je sais ce que c'est, y a pas de souci. J'ai pas envie d'y retourner, tu vois, même si je compare pas le fait de travailler en édition et de travailler en supermarché. Mais non, je tiens un peu à ma liberté et je sais que c'est un privilège aussi, que j'ai choisi ma précarité et que je vais pas non plus me plaindre. Enfin, je l'ai choisi. On fait avec les plans qu'on a et avec l'argent qui tombe. Et moi, je vais peut-être donner un peu de cours l'année prochaine. Enfin, voilà, c'est un travail alimentaire que je peux m'accorder parce que ça va pas remettre en question mon éthique, en fait. Bah oui, parce que ça rentre complètement dans le cadre de ta pratique, au final. Puis en plus, ça reste aussi dans cette idée de transmission. Bon, après, j'imagine qu'en école, tu peux pas tout leur dire non plus que si tu les croises à un stand ou à une manif. Non, mais c'est sûr. Mais oui, ça reste très, très compatible. Des workshops dans des lycées ou dans des maisons d'arrêt, pour moi, voilà, c'est de l'argent public, mais c'est des trucs que j'accepte, tu vois, parce que je me dis... C'est utile. Et même au-delà d'utilité, ouais, il y a au moins un espèce de... Comment dire ? Oui, c'est logique par rapport à ce que tu fais en général. T'as pas de poser 10 000 questions en disant est-ce que c'est vraiment incompatible avec ce que je défends le reste du temps, quoi. Ouais. Et oui, c'est de l'argent public, oui, c'est de l'argent de l'État. Mais je préfère que ce soit utilisé pour ce genre de choses, même si des fois c'est juste un pansement, un endroit, et on se sert de toi pour ce pansement-là. Mais éthiquement, voilà, ça me pose moins de problèmes que de faire de la commande publique, quoi. Ça, c'est sûr que... Ouais, c'est pas du tout la même chose, là, pour le coup. Non, les prisons, tu révolutionneras pas tout le système carcéral en leur donnant des cours, mais ça a du sens, quand même. En plus, toi, tu sais où tu mets les pieds, typiquement, tu dans un endroit. Tu sais où tu mets les pieds, ça te permet de te rendre compte de la réalité aussi. C'est juste aller faire des workshops dans des endroits comme ça, c'est prendre conscience de la réalité, réaffirmer ce que tu pensais déjà, mais là, tu te le prends en pleine tronche. Ouais, clairement, tu valides pas le système, mais t'en as conscience. Et l'échange, il est cool, quoi. L'échange, il est bien. Ils sortent, c'est terrible, mais là, c'est vraiment de l'ordre du pansement. Ils ont au moins l'occasion de faire autre chose et de sortir de leur cellule. Ils sont pas dans leur cellule à ce moment-là, tu vois. Des fois, t'es sur des trucs tellement de l'ordre du besoin, en fait, ouais, du besoin primaire. Qu'ils penseront à autre chose, quoi, au moins pendant ce temps-là. Ouais. Ouais. Et c'est... Ah, c'est déjà bien. C'est terrifiant et on est bien loin de volonté abolitionniste. Je m'y retrouverai plus là-dedans, mais en attendant, c'est terrible de dire en attendant. Enfin, tu peux pas toujours attendre la révolution. En fait, c'est un peu ça. Tu vas pas. C'est pas. C'est pour plein de sujets, en fait, t'es obligé de rentrer dans le genre de réflexion et de petites choses, en fait, où tu te dis ben ouais. Ouais, c'est la marge de compromis, quoi. Que... Ouais. Merci pour votre écoute. Un épisode hors saison sortira bientôt et la deuxième saison de Dangereuse Lectrice arrivera en automne si on ne se retrouve pas encore confiné d'ici là. Vous pouvez me contacter sur Twitter @lucie_inland ou Instagram @lucieinland en un mot. Et si vous en avez les moyens, vous pouvez glisser 1€ ou 2 sur ma page Tipeee et soutenir Studio Dilettante sans qui cet épisode n'aura pas pu être enregistré également sur Tipeee. À bientôt.